Santé! Putain, non! C'est claqué au sol! Parfois, je vois bien ça à la radio! J'ai pas fait jingle sans radio! J'ai un radio bof, 87 en l'auvergne! Santé! Allez, on enchaîne! Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent! Tu la connais pas en fait? Non, et tous ceux qui sont seuls! Tu la connais en fait? Venez! Et entrez dans la danse, allez, venez. Alors, on te retrouvera au 59 Rivoli dès qu'il nous aurait répondu. Tout est possible, tout est réalisable. C'est récent en plus. Tu sais qu'elle a été numéro 1 du top 50. Il paraît que c'est un gros con, Grégoire. Je crois que c'est 2012. Hein. La chanson? C'est entre les deux. Ah, je me rappelle quand même, moi. Quand? Grégoire? Ouais. Vraiment, je vous le dis, quoi. Non, non, mais en vrai, ça me dérange pas de le dire, mais juste, ça fait un peu genre le mec qui tape sa culture alors qu'on sait très bien qui c'est, quoi. Non, mais tu veux vraiment, je. Ouais. 2007 Non. Non. 2006 Non. 2013 Non, c'est 8. 2008 Oui. Bah oui, on était à peu près en CM. Mais j'ai dit, Non, non, en fait, on était en 6ème, non, 2008. 9 ans, on est en CM. On était en CE. C'est à 11 ans. On était Carole. Après, quoi ça sert? Qui a le droit, finalement. C'est pas ce qu'il a fait un jour, Lucas, cette anecdote. Je t'ai fait engueuler par Claire. Je t'ai jamais fait engueuler. Non, non, c'était par Claire en CE1. Non. J'ai pas eu Claire en CE1. J'avais pas Claire en CE1, la compte à Arras. J'étais avec Valérie et Sébastien. Je te raconte l'anecdote. On était avec Lucas à côté en cours. On était un peu au fond de la classe. Il était à côté de moi à un moment. Genre, il m'a pincé la cuisse, mais hyper fort. Et donc, moi, j'ai ouvert la bouche comme si je criais, comme ça. Mais genre, sans son, parce que je pouvais pas crier, tu vois. Et quand même, il m'a fait oui, par contre, vu le. Enfin, en général, quand on balle, on met la main dans la bouche. Moi, j'étais trop mal, il y avait 8 ans. J'étais fait engueuler. Et genre, j'ai même pas pu dire non, mais c'est lui, du coup, j'ai fait pardon. Et il y a ça, et le moment où je t'ai balancé un crayon de papier dans la peau. Genre, c'était un crayon de papier, j'avais la main posée à la table, il m'a balancé un crayon de papier, il m'a enfoncé un crayon de papier dans la main, comme ça. Santé! Ah ouais, attends, alors avant de commencer, j'avais oublié. Il va falloir prendre votre. Votre nom? Quelle est ta citation favorite? Ouais, mais ça c'est pas citation. Ta citation. Non, ta citation. Ton expression. Ah, ton. Moi j'avais dit la vie ça fait mal, les avantages pas. Voilà. Genre. Ton mantra de vie. Ah. Mais ça fait pas partie de la question. Le partage. Juste... Le partage. Your motto, what is your motto? Le partage, c'est le secret. C'est le secret du bonheur. C'est toi qui l'as dit. C'est ton tour. Faut être gentilhomme, mieux vaut pleurer moins et voir davantage. Oh. Il faut faire un mix des deux. Okay. Bon, ce sera le nom de l'émission, ce sera un mix des deux. Faut de gentil, va partager. Faut partager moins et voir davantage. Faut de gentilhomme, mieux partager moins et voir davantage. Ouais. Ok, cool. Bonjour, on est le avec El Patalon et Cosmos. Et aujourd'hui, on va niquer des mères. Ok, en buvant des verres. Ah, et on va poser des. Lapin. Des questions. Des questions. Et il manque quelqu'un. Donc il faudra le présenter. Je pense qu'il viendra, non? Ouais, je pense, ouais. Au pire, s'il n'y a pas. Attends, Cyril Hanouna, on ne cache pas. Attends. On attend El Rabat. On l'appelle un invité surprise qui s'appelle El Rabat. El Rabat. Ok. El Rabat. Santé. C'est le tueur. C'est le fête de village, tu sais. Un vieux truc avec des vieux. Fête de bagneux. Alors, Cosmos, El Professeur. El Patron, El Président, on l'appelle comme on veut. Juste elle, quoi. Si vous aviez un Wikipédia, quelles seraient les trois premières infos mentionnées dans ce Wikipédia? La première, née à Draguignan. Ouais. Parce que pays de Draceni. Dans le pays du dragon, pays de Draceni. Dans le Var du sud de la France. Putain, celui-là, d'accord. La deuxième information. Question C. Le guitariste à mes heures perdues. Guitariste à mes heures perdues. Et troisième information, 70 ans. Gagne beaucoup d'argent. Riche. Aucun risque avec les petits gratte. Communisme mais pas trop. Voilà, voilà. Troisième information, communisme mais pas trop. J'adore partager l'argent des fonctionnaires. Et toi, elle? Née à Dessines-le-Charpieu, avenue Jean-Jaurès. Avenue Jean-Jaurès, et après avant d'avoir vécu à mes jeux. Ah, la clinique Grand Large. La clinique du Grand Large, hein. Putain. Ouais, alors ça, c'est pas ouf quand même. C'est une info. Ouais, ok. Gros, le mec qui va vraiment la vivance. J'ai motivé le mec qui va le trouver petit tour à ville. Il va faire un petit tour. Professeur. Finalement. Ah oui, faut pas de nom. En fait, moi je suis la top, tu sais. On balance des infos. Et deux suivantes. Après qu'il y a la maison de la monnaie. Merci. T'as compris ou pas? T'as compris sur la boulette? Les boulettes, c'est compris? Ah oui. Après, elle a déjà vu Jean-François. Ça s'appelle pas Jean-François. Elle a déjà vu Cambadélis manger dans un restaurant. Ouais. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vrai. Et c'est faire le poirier avec 3 grammes dans le sang. Sérieux? Juste avant de tomber dans le Rhône. C'est faux. Juste avant de tomber dans le Rhône. Ça, c'est parce que j'ai fait Tarzan sur le branche d'arbre qui n'était pas solide au-dessus du Rhône. T'as raconté Thomas ou pas en parlant de Cambadélis, son téléphone? Il a posé Cambadélis. Non, son téléphone. Attends, Thomas, il s'est fait casser son téléphone par Michel Onfray. Vous vous moquez, toi, il y a Patrick Fiori à Villette-Danton et ça. Non, Patrick Fiori il est en Corse. Non, mais à moitié temps il est à Villette-Danton. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais que j'ai une pote qui a vu Patrick Fiori. Moi, il y a Christophe Licata dans la Guinée. Oui, mais personne connaît meilleur que Fiori, tout le monde connaît. J'ai vraiment une pote qui a vu Patrick Bruel en concert. Ah ouais. Elle s'appellerait pas le. On ne dira pas le nom, on t'aimera. F. F. F. La maudite. Bah non, merci. Ça marche pas. Ah ouais, donc on est dans la rubrique vous, j'avais oublié de le mentionner dans la question. Vous. S'il y a trois rubriques vous. Vous, c'est vous genre... Qui est de toi. Vous. Vous êtes qui, vous. Vous êtes... Est-ce que vous vous sentez avant-gardiste? Gros, Maxence, il est après-gardiste, quoi. Maxence, il est né 70 ans trop tard. Hein. Ouais, je suis assez pré-gardiste, moi. Je suis assez après-gardiste. Ah ouais? Non, je suis pas trop avant-gardiste, non. Voilà. Ok, ça me va comme réponse, toi. Non, plus. Même pas sur un, même pas sur un tout petit truc, genre non, vous étiez les premiers. Vas-y, qu'est-ce que j'ai inventé d'abord? Tu vois, un peu avant-gardiste. Mais genre, par exemple, toi, l'œuf mimosa. Alors, excusez-moi. Je savais pas ça avant. Si, on est avant-gardiste, on a inventé. On a inventé un cocktail. Ah oui, la caguette. La caguette. La caguette. La caguette. C'est du Gambetta, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sirop du sud de la France. C'est du Gambetta avec du pastis. Et c'est. Et c'est. Ça s'appelle la caguette. Et je pense que dans et ça s'appelle la caguette parce que quand tu le fais, ça a une couleur de caca. C'est vrai. C'est marronasse. Après, enfin, je, voilà, moi je vais partager. Je trouve que vous appropriez un peu une création qui, quand même, genre, c'était mon œuvre. J'ai mis du pastis du Gambetta. Max, il m'a fait. Putain, ça a l'air dégueulasse ta couleur. Titouan, qui est vraiment avant-gardiste. Titouan, il est pas avant-gardiste, il est con. Il a juste fait putain, ça a l'air trop bon. Du coup, il est venu en boire avec moi. Sauf que c'est moi qui ai trouvé le nom. Applaudis Maxence! Partage, en vrai, ça se passe. Ici, il n'y a que des œuvres collectives, s'il vous plaît. Dans le Prodec, finalement. Dans le Prodec, on est collectif. Pourquoi faut pas lancer le nom? On comprend. Okay. Personne ne comprend. Ça, par exemple, c'est avant-gardiste, le Prodec. Ah voilà! Ah voilà! Le Prodec parle! Quand vous parlez, il parle personne! Faut qu'on vous dise! La France doit savoir! Nous écouter! C'est doit savoir! La France doit connaître le Prodec! Ah donc vous avez dit ça, et le carteron, et le carteron c'est quoi alors le carteron? Le carteron c'est le sous-titre du Prodec. Ah ok, mais tu sais le carteron... Prodec point carteron, ouais les quatre généraux... D'abord mec, par rapport au hippisme, non, par rapport aux généraux... Non le Prodec c'est un projet intellectuel. Ouais. De en fait c'est un peu un cercle de pensée. Un think tank. Un think tank qui vise à... Un peu comme l'Institute of Economic Affairs. Institut from calendar. Calendar. Bref, c'est un think tank qui vise à concilier la pensée anticapitaliste et la pensée libérale. Proudhonienne et hayekienne, finalement. Et finalement, voilà, on s'est dit que mélanger Proudhon et Hayek, ça faisait Prodec. Tu sais, en parlant de think tank, je t'ai pas dit le nom du cours, le titre du cours d'histoire de la pensée économique qu'on a. Agir. Je pense que tout le monde s'en fout. Hein. Non, mais non si, vas-y, s'en fout. Mais tout le monde, le mec, c'est une discussion, on fait comme s'il n'y avait pas le. Et puis il n'y a personne qui nous écoute. Ouais, enfin, c'est vraiment ce que c'est le concept, c'est juste que, je sais pas, dans une semaine, on réécoutera, on trouvera ça drôle, c'est tout. Okay. Mais on a un nom d'histoire de la pensée économique, ça s'appelle les think tanks et le néolibéralisme thatchérien. Voilà, juste aucun rapport entre les deux termes, et voilà, juste trouver ça rigolo, je veux te le raconter. Ça, c'est énorme. Non, c'est un peu de la merde. Transition de l'ambiance, transition de l'ambiance, transition de l'ambiance. On te ça, fait c'est un nombre cool, de jingle, jingle. Ouais, c'est un truc que je dois regarder tout le temps. Alors, en rapport avec l'ancienne question du coup, si vous deviez dire un truc... Ça n'a rien à voir avec l'ancienne question. Non, la dernière fois de votre vie, ou juste si vous deviez dire un truc au monde, que ce soit un mot ou une phrase genre. On n'avait pas déjà fait ça. C'est nous on l'avait fait, je crois. On l'avait fait. Genre c'était un truc genre putain de merde. À Toulon, un truc comme ça, on l'avait fait genre... Putain, moi je me rappelle! Le truc que tu voudrais grave dire. Le truc que tu voudrais dire avant ta mort. Alors pas vraiment. Mais tu sens, mais tu sais, t'as que des trucs, soit tu tombes dans le cliché, genre. Ah, oui, mais il faut dire une petite blague. Genre, moi je pense que si je suis en train de mourir, si je sens que je suis en train de mourir et que j'ai un Maxence à mes côtés, genre je pense que je lui dis. Dernière engueulade, je lui dis Max. Si je pète. Tu me sale cul. Voilà. Je dis ça à Maxence. J'ai grave là-dessus. Ça a cet effet. Et Maxence il dira. Ça sale. Ça le cul. Non, parce que je dirais bonne chance. Bonne chance aux générations futures. Bon courage. Et le professeur ? N'oubliez pas d'inspirer, clairement. C'est central. Non, Tito, il y a un truc du genre. Enfin, vous inquiétez pas, tombez dans le Rhône, c'est un peu froid, mais on n'en meurt pas. En gros, c'est pas mal. Et Maxence, il fait un promo pour la fête de Hollywood en ligne. Hein. Tu devais regarder un match de Ligue 1 avec quelqu'un et un match de Ligue des Champions avec une autre personne. Tu devais regarder un match de compétition interdépartementale à Draguignan ou la finale du Master. Genre avec qui tu regardes le premier et qui tu regardes le deuxième. C'est l'équivalent de. Genre c'est comme. Embrasse, tue, genre. Non mais tu sais mec, non mais le foot c'est un sport. Hein, et traduis la question pour Titon du coup. Ok Titon. Si tu devais, Titan, ce serait peut-être moins regardé parce que c'est moins diffusé à la télé, mais la pétanque est plus diffusée. Mais si tu devais grimper, on peut faire pratiquer l'activité ou pas? Ouais, grimpe. Si ouais. Tu devais grimper le mur d'escalade de la salle des fêtes de Villette, ouais. Ou alors si tu devais gravir le mur d'escalade du Mont Everest. Avec quelle personne? Avec quelle personne? Ça se monte pas en. Mec, on imagine. Ça se monte pas. Aiguille du midi, si tu veux faire ça. Aiguille du midi, c'est une aiguille du midi pour savoir? Non, par contre, ça sent que ça va. Mec, on avait dit quoi? Mais aiguille du midi, c'est pas la même! Ah, oui, je sais pas, t'as quoi? Moi, s'il y a le pit du midi et l'aiguille du midi, c'est pas pareil. C'est quoi qu'on a nous, bien? Aiguille du midi, c'est vrai. Je fais tant. Nous, on a le Mandou. Vous avez la mèche, bande de con. La mèche! Bon, alors donc, du coup, la réponse est. Avec le match de Ligue 1. Enfin, le truc moins. Match de Ligue 1, je regarderai ça avec François Hollande. Ouais. Parce que je crois que c'est un grand amateur de foot. Ouais. Et en plus, c'est vrai qu'il est drôle. Alors, avec François Hollande. Ouais. Il vient de Corée en plus, hein. Ouais. Rien à voir. Et à Champions League, je regarderai ça. La Champions League avec. Avec MHD, mais clairement. Bernie Sanders. Mais bon, en fait, on s'en fout clairement du sport, on a juste les personnes avec qui t'en veux passer un moment. Ouais, c'était ça. Ouais. Et toi? Xi Jinping, tout de suite. La Ligue 1 avec Xi Jinping? Non, avec un ambassadeur qatari comme ça, tu vois, il connaît. Il peut te faire rentrer un petit peu dans les vestiaires. Tu vois. Seulement s'il y a le PSG, parce que si tu tombes sur un match Dijon-Amiens, mais je pense pas que le Qatari. Le PSG. Mais tu vas. Non, mais au niveau le Champions League. Ah, je crois que tu parlais de la Ligue. Ah non, faut viser le Champions League avec. Champions League, les Qataris, Ligue 1. Ok, Ligue 1 avec. Bernie Sanders. Avec Bernie. Il s'y connaît en foot en plus, Bernie. I've never heard about a football. Avec François Hollande. Le original, c'est. Moi j'ai une idée, c'était François Hollande. Moi j'ai pensé comme ça. Non, avec. Ah ouais! Avec qui? Il est pas connu. Le prof de philo. Ah, okay. C'est un prof de philo. Ah, cool, encore un anglais. Vous avez vu, Jules, il y a eu 3 nouvelles politiques ce week-end. Hein. Bon, l'OM a perdu, le PSG a gagné. Je respecte moi. Avec Pujadas. Ah oui! Ah oui! Pas mal, ah oui, direct. J'ai ça m'est venu d'un coup. Je pensais que t'allais dire Jean-Charles, par exemple. Mais non. Pujadas. On doit pas dire le nombre de gaffes qu'il a fait sur le football. Tim Pernod. Ah non, je suis pas Tim Pernod, mais le nombre de gaffes qu'il a fait sur le football. Pupu, c'est toute ma vie, Pupu. Un peu excessif, mais je pense qu'on peut. Voilà. Je pensais que c'était mon médecin quand j'étais petit. Ils avaient la même tête. Ils se ressemblaient trop, du coup je confondais les deux. Je pensais que mon médecin, il était médecin. Oh, à la télé, pourquoi le docteur? Et un fantôme, il était plus jeune à la télé. Et genre mes parents, ils m'appelaient un petit peu le truc. Il a une enfance. Non, je sais. Ouais. Ah. Tu me aussi, je la regarderai avec Estelle Denis. Pour le sport, rien. Vraiment, pour le sport. Pour le sport, bien sûr. Et la Ligue 1 avec Selena Gomez pour le sport aussi, c'est ça? Ouais. Merci. Vous vous considérez comme quel type de rappeur? Alors j'ai noté des catégories de rappeurs. Alors Jules, c'est un rappeur fragile. Rappeur sensible. Conscient, rappeur conscient, rappeur poétique, rappeur un peu gangsta, rappeur ego trip. Rappeur ego trip. Toi, c'est dans quelle catégorie? Pourquoi? Voilà. Je sais pas. C'est une catégorie à part. Moi, je suis rappeur Marwaloud. Rap conscient. Allez, rap conscient ego trip. Moi? Ouais. Mais rappeur sensible. Toi, t'es rappeur sensible. Moi, en vrai, non, moi, je pense que je suis un peu genre hardcore, tu vois. Genre, je dénonce. Non, moi, je suis poétique, je pense. Tu es poétique? Je suis un peu poétique, tu vois. C'est un poète. Jules, c'est un poète. Je pense que je suis poète, tu vois. Moi, j'écris un peu des rap, genre. Faut pas se fâcher contre les gens qui n'ont pas fait exprès, tu vois. Ok. Tu vas dire, je suis dans le pardon, en fait. Je pense. Et en rapport avec cette question. Mais dis-moi. Mais si, il a dit Marwaloud, un rappeur sans catégorie. Diams, t'as tout. Genre, t'as du politique, du. Oui, mais d'accord, mais tu t'es pas quoi. Diams en fait. C'est quand même, genre. Je suis dans catégorie Diams. Catégorie. La réponse, c'est. Rappeuse voilée, je suis Diams. On va pas. Non, mais d'ailleurs, juste pour faire la transition, qu'est-ce que tu penses du Burkini, toi, par exemple? Next question! Non, mais Jules, t'as un point Godwin raciste quand même, quoi. C'est. Mec, c'est pas du racisme le Burkini. Ouais, tout. Mais systématiquement. C'est un débat de société. C'est un débat de société. On peut plus rien dire. Donc le Burkini, c'est raciste. Ce n'est pas raciste ce que de dire cela. Mais je pense qu'il faut que le débat se pose dans notre pays de savoir si les étrangers qui ne participent pas à la solidarité nationale doivent bénéficier des aides sociales. J'ai lu l'article ce matin. Ah oui? I've never heard about aides sociales. Si vous ajoutez à cela. C'est quoi ta meilleure imitation? Et l'odeur. Pas de soucis. C'était ça. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Mange des pommes. Non, c'est Brassens, c'est ma meilleure imitation. Vas-y. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En sur mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Ah oui! Ah oui, ah bravo! Vous avez une imitation à propos? Moi, j'ai une imitation, ouais, que je fais très bien, ouais. Genre Pierre Belmar? Non, mais bien. L'histoire que je m'apprête à vous raconter. Bon, Samuel, il faut qu'il nous fasse poker. J'en ai une. Oh, oui. Ah, si, j'en ai une. J'en ai deux en fait. J'ai Trump et Bonville. Ah, Trump, c'est facile, hein. Macron, c'est à côté aussi. I've never heard about a category 5. Par rapport au hurricane. Et Bonville, c'est. Mauvais là. Voilà, c'est. Ouais, pas mal, t'es pas mal, mec. Tu juges, mais. Une phrase de Ségolène Royal. Vas-y. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. J'ai travaillé cette intonation depuis que j'ai 8 ans. Non, dis pas trop, s'il te plaît. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait quand il était petit, quand il avait 8 ans? Il avait convaincu ses copains de classe de convaincre ses parents de voter pour Ségolène Royal. Tu sais qu'il y a des gens qui ont des parents d'amis qui ont voté Ségolène Royal parce que j'avais dit à ses copains de dire à leurs parents de voter Ségolène Royal. Moi aussi, j'ai fait ça. Ah ouais, pour Ségolène Royal aussi. Dans la cour de l'école, ouais. Non, mais en fait, Non, mais tu sais, le gars, un mouvement populaire, il a fait pareil en terminale. Hein. Il a essayé de nous convaincre, les parents, d'être pour Poutou. Est-ce que j'ai réussi? Je ne crois pas. Il a refusé. Est-ce que vous avez eu les chaussures qui respirent? Geox. Ouais. Non. C'était pour pas la marque. Ah, mais merde! Faudrait couper. Tu veux la couper. Dis! Il faut mettre en marque pour égaliser. Ouais, Geox, Apple, Puma, Nike. Non. Non? Non. Même pas pour les manifs quand t'étais petit, genre? Ouais, non, j'ai jamais eu de chaussures qui respirent. Toi, je pense. Moi, j'avais des chaussures qui respirent. Ah, t'en as eu? J'en veux. Enfin, j'avais des tongs. T'en veux toujours. C'est quand j'aime des paillettes dans ma vie, Kevin! Kevin? T'en as eu ou pas? Tu me t'écoutes, je crois. Ah ouais? Je crois que j'en ai eu. Bah attends, moi, il fallait respirer des pieds. Hein. C'est important, ouais. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai toujours senti mauvais des pieds. Bah, ça fait je veux pas. J'ai jamais eu de jokes, c'est du coup. Et est-ce que vous associez les choses aux couleurs? Question suivante. J'ai pas compris la question. Genre des choses, genre en mode de, par exemple, moi pour moi le lundi c'est bleu foncé. Mais c'est les jours. Ouais, les jours ou d'autres choses, tu vois. Non, ouais, c'est vrai que les choses c'était pas. Les saisons. Les saisons. Le rouge. On me dit rouge, je pense. Je pense que c'est dans l'autre sens. De façon inverse, ouais, ça marche. Les saisons couleurs. J'ai une manière très particulière de m'en présenter les saisons. Putain, vas-y, c'est intéressant. Vas-y, explique-moi. Bah en fait, quand j'étais petit. Non mais on m'avait donné à l'école graphique en fait avec les saisons. Et du coup, c'est en fait, ça faisait un cercle. Non, mais ça faisait un cercle. Et du coup, t'avais les saisons qui étaient reparties. Donc, sur le quart supérieur, t'avais l'hiver. Est-ce que l'automne c'était jaune? C'est vrai, mec. L'automne c'était jaune. Ouais. Mais moi, c'est l'inverse. J'avais l'été en haut, l'hiver en bas. Ah, ben oui, c'est vrai. Et ben moi, c'est l'inverse. Et du coup, l'automne était en jaune. Et il y avait les couleurs. Et donc, l'automne était en jaune, le printemps était en vert, l'été était en rouge et l'hiver était en bleu. Mais attends, juste dire pour toi, genre, le graphique, le mois de mai, tu le mets où? Le mois de mai, je le mets à peu près à 5 heures. Ok, parce que moi, le mois de mai, il est là-bas, du coup. Il est à 10-11 heures. C'est ouf. Mec, j'raconte ma vie là, mais ma mère, j'en ai déjà parlé de ça avec elle. Ouais. Elle a une façon, genre. Enfin, en vrai, je pense que c'est assez psychologique, c'est ondulant, mais nous, du coup, on a une conception cyclique. Ouais. Genre, enfin, ça revient toujours. Oui, tout à fait. Ma mère, elle a. Genre, enfin, pas c'est dynamique, mais ça revient. Mais en fait. Elle m'a dit, genre, je sais pas, il y a un moment où il y a un zigzag, le printemps, ça fait genre une grande ligne droite, elle tourne à droite pour l'été, elle remonte un peu. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle remonte un peu pour l'été. C'est le Tour de France, elle passe un col de catégorie 2. Là, elle arrive, elle descend. Non, vraiment, et puis là, elle redescend un peu tout droit, et puis, et genre, ça, en gros, ça fait comme ça, et à chaque fois, ça fait comme ça. Et du coup, elle avance toujours. C'est ouf. Mais c'est, moi, je connais ça, je me dis, fous de ma gueule, et genre, vraiment, elle fait ça. Genre, c'est. Toi non. Attends, je vais la prendre. Ouais, non. Bon, bah, salut les gars, du coup, je suis en plein milieu de Carrefour et je pense que tout le monde. Salut à tous. J'allais me planquer dans les produits bio, il n'y a pas grand monde. Alors, bon, évidemment, il y a quelqu'un de veggie qui arrive. Alors, attends, je me pousse. Voilà. Quelqu'un de veggie. Alors, comment je vois le cycle des saisons? Alors, d'abord, on va commencer par le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est tout en haut, c'est tout blanc. Après, il y a une petite descente vers le mois de juin. Et là, on arrive sur quelque chose qui est très plat, qui est clair, plutôt clair, vert clair. Après, j'arrive... Alors, ça tourne un peu quand même. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est dans ma tête, ça tourne un petit peu. Là, à droite ou à gauche? Du coup, je tourne à droite entre les coquillettes bio de Capitaine et le radis noir de chez Juvamine. C'est un ridicule, hein, du coup. Bon, donc, ça a tourné un peu vers la droite et c'est clair. Ensuite, quand on arrive au mois de septembre, ça commence à être foncé. Merde. Et là, ça remonte doucement, mais ça remonte étonnamment, ça remonte pas aussi haut que ne part le mois de janvier. Ensuite, c'est un genre de faux plat montant. Eh bien, c'est un faux plat montant, mais j'ai l'impression que quand tu arrives en janvier, en fait, ça monte direct comme si tu avais un ascenseur, quoi. Et clac, là, tu pars au mois de janvier. Et ensuite, hop, ça redescend vers le mois de juin. Tu tournes un peu, c'est clair. Ça se refond, c'est hop, tu remontes. Et là, du coup, je suis en face de la sauce soja. Et en face, j'ai du muesli chocolat 3 céréales et graines de Miller-Hauser. Prends-nous-en, on n'en trouve pas, nous, des gros paquets. Bon, voilà, j'ai répondu à ta question. Putain, mais bah ouais, parce que Max, il me croyait pas trop que tu pensais ça, mais du coup, je me suis dit, je vais t'appeler. Pourquoi il voit quoi Bah, en fait, c'est moi, je t'avais expliqué que je voyais le cycle l'été. En fait, c'était genre un genre de ovale, je voyais l'été en haut, et puis l'hiver en bas. Et en fait, Maxence, il a un peu il a la même forme, mais lui, il a l'hiver en haut et l'été en bas. Et du coup, tu vois, moi, le mois de mai, je le vois à 10-11 heures, et lui, il le voit à 5 heures, par exemple. Toi, tu vois l'été ou ça en haut? En haut, moi, l'été, c'est en gros, c'est un. Max, il voit l'hiver en haut, et du coup, on est inverse. Et il est né quand, lui? Le 29 mars. Ah, il y a peut-être un truc comme ça, parce qu'en fait, 29 mars... J'avoue. 21 octobre. Ouais, cherchez par là, les gars. Regardez en fonction de votre date de naissance. C'est bien d'année en année une discontinuité, quoi. C'est ça, ce que tu as dit, ouais, c'est comme en septembre, elle monte, et après, il y a un gars qui s'explique. Ouais. Mais je trouve ça plus... Comme si j'ai plus votre truc. Toi, t'es comment? Enfin, ça parle plus, je trouve, son truc. Et si on faisait... Et si on faisait... Les saisons, tu la rends comment? Je me représente pas. Ok. Je crois que c'est un moyen mot technique pour se rappeler des anniversaires. Parce que les anniversaires, je me rappelle par rapport à l'axe. Oui, sauf que moi... Mais c'est, en vrai, non, mais c'est possible. Non, parce que moi, je me souviens pas des anniversaires et pourtant, j'ai la même représentation. Ouais, parce que toi, t'as l'hiver en rose, pour ça. Mais je sais que le gars, il est à l'extrême opposé de moi, que toi, t'es en dessous. Et nous arrive. Mais après, est-ce qu'on est les âmes sœurs? Est-ce que le cercle se referme pas sur nous? J'avoue, mec. Super. Alors. Ah, attends, il faut refaire un jingle parce que interlude jeu. Yes. Santé! Yes, parfait. Alors, c'est l'interlude jeu. J'ai trois blagues de Bigard. Alors, vous pouvez et vous pouvez finir. Vous pouvez finir la blague parce que c'est très court. Et vous, après avoir fini la blague, donc. C'est la blague de la déchirure. Non, j'ai pas celle-là, j'ai très court. Spoil pas. Vas-y. Non, tu veux que je fasse la blague de la déchirure? Je peux pas la faire, elle est horrible. Elle est trop horrible, je peux pas faire ça. Vas-y, Didi. Mais ça sous-entend de mimer, donc je peux. Bon, ça marche pas là. Alors, vous devez pronostiquer la fin de la fin de la blague. Si tu remarques bien, loup, le mot loup. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut que je le dise comme ça. Ah bon ouais. Vas-y. Non, mais t'as jamais remarqué que le mot loup, à 4 lettres près, ça fait bite. Hier, tu avais fait. C'était même, tu avais fait dire. Tu sais pourquoi le mot loup, il, tu sais ce qu'il y a de bien avec le mot loup? Là, il te répond. Ah ouais. Alors, on refait. Tu sais ce qu'il y a de bien avec le mot loup? Bah, je sais pas, il y a 4 lettres. Et bah, ouais, il y a 4 lettres, et bah, ouais. À 4 lettres près, ça fait bite. Et, et sur ce jeu de bigard, vous devez finir en fonction des blagues, et après, vous faites un top 3 de la plus bof à la moins bof. Ok, ça me va. Alors, numéro 1, une fille dit à sa mère: maman, je suis enceinte. Elle répond: mais où avais-tu la tête? La fin de la blague peut être quoi? Non, mais je l'ai, mais je vois pas. Enfin, il et ben, faut se remonter sur un cadran en fait. Non, vraiment pas. Vraiment, cherche pas. Où avais-tu la tête? Je sais pas, au niveau des couilles. Ouais. Bah, c'est dans le pare-brise. Oh putain. Alors attends, vous gardez en tête. Donc, une fille dit à sa mère: maman, je suis enceinte, mais où avais-tu la tête? Dans le pare-brise. Blague numéro 1. Deux. Ouais, ça elle est connue. Deux curés se parlent. Dis donc, tu n'as pas grossi de la bite? À la fin de la phrase. Enfin, la fin de la réponse de l'autre curé. Moi, c'est un enfant, c'est pas comme ça. Bah, c'est pareil, c'est le même style. Vous avez pas de prono? Non, je fais toujours du 7 ans. Un truc comme ça. Putain, pas mal en vrai, hein. Tu l'as. Hein. Ouais. Je rentre encore dans du 12 ans. Donc, la deuxième blague. Deux curés se parlent, dis donc, tu n'as pas grossi de la bite. Non, je rentre encore dans du 12 ans. Troisième blague. Un homme à table parle avec sa femme. Chérie, tu vas plus me voir pendant 5 minutes. Pourquoi ça? Parce que je vais être derrière toi. Ouais, parce que je vais t'enculer. Oui, c'est ça, il y a pas de... Faites un top 3 du coup. Il y a des blagues de billard, mec, c'est pas subtil. Non, j'ai gagné. Oh, la meilleure. Non, la meilleure, c'est la première, je trouve. Bon, par bruit. Ouais. La meilleure ou la plus bof? Non, la plus bof, c'est la troisième. La troisième, elle est juste nulle, là. Moi, je la classe dans des croissants. La troisième, c'est peut-être la plus inattendue, la chute un peu, tu vois, genre... Non, la première. Ouais, la première, pardon, c'est ça. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec le jeu. Ouais. Alors là, c'est pas un jeu. C'est pour ça qu'on est dans la table. Du coup, faut refaire un jingle. Ah ouais, Santé. Est-ce que juste, vous pouvez me résumer l'âge de glace en quelques phrases? Bien sûr, je peux le faire. Vas-y. Bah, on en fait un chacun. J'ai jamais vu, hein. Ouais, moi non plus. Vous avez jamais vu l'âge de glace? Que des morceaux dans des bus scolaires. Du coup, j'ai jamais compris. Tu veux jouer? J'essaie. Ouais, vas-y. Je crois que je m'en souviens plus trop. Mec, bien sûr, c'est impossible. Bon, en gros. C'est comme les 5 épisodes. Les 5 épisodes. Ah, si. Oui. Attends, il y en a 5 là. Attends, il y a 5 épisodes. Donc, en gros, c'est un petit écureuil préhistorique qui part. Qui en fait. Qui... Toi, tu commences comme ça, toi? Mais oui, c'est le début alors, oui. Seconde 1, là, il y en a 5 à 9. Au commencement était un gland. Exactement, au commencement était un gland. Que voulait conserver un petit écureuil préhistorique. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à le planter dans la glace pour le conserver. Ah ouais. Sauf que de le planter dans la glace, en fait, il provoque une fissure dans toute la banquise. Et du coup, c'est la fin de l'ère glaciaire. Et tous les animaux préhistoriques de l'ère glaciaire sont obligés de migrer. C'est un film historique. Pour trouver la terre promise. Manicule d'or, son espèce va s'éteindre. C'est pas mal ça. C'était une imitation de Cid en fait. Oui. C'est pas mal, mais il manque beaucoup d'épisodes parce que. Enfin... Oui, d'accord, mais c'est le pitch. Ok, okay on va pas spoiler. Donc. Ok, bon, mais je peux peut-être genre juste détailler sur quoi portent les 5 épisodes. Ouais, vas-y. Quelques phrases après. D'accord, bah en gros, si tu veux, il y a 5, ouais, vas-y, y a 5 épisodes. Enfin, il y a 5. Le premier porte justement sur. En gros, c'est l'introduction, la mise en place du film avec. La première rencontre avec les hommes, finalement. La deuxième, c'est quand Manny. Il rencontre Ellie et les opossums. La troisième, c'est avec des dinosaures. Les dinosaures et le mec. Lui, j'ai vu. Bah, sympa celui-là, hein. J'aime beaucoup. Le quatrième, c'est avec Mémé et la tigresse. Mémé, bah, moi, c'est juste comme ça. Et le cinquième, c'est. Avec le bateau, non? Ouais, c'est ça, ça me rappelle. Ouais, tu l'as jamais vu, mec. Et le cinquième, c'est. Avec les astéroïdes. J'ai préparé la mission, je crois. C'est ça, bien sûr. Très bon questionnaire. Santé! Alors ouais, désolé. Troisième petit jeu. En fait, c'est plus... c'est pas un petit jeu. C'est plus des observations sociales, disons. Qu'est-ce qu'il va me sortir? On doit classer... J'ai noté trois phrases insupportables. Et vous devez classer de la plus insupportable, numéro 1, à la moins insupportable, numéro 3. Ok. Donc... Phrase insupportable numéro 1. Il y a cinéma et cinéma. C'est trop bizarre, je suis sorti ça l'autre jour. C'est sur quoi? C'est ça, je te l'ai dit. Alors, deuxième phrase. Ce que je t'as dit, il y a ça et ça, et ça, dans ta gueule, gros. Deuxième phrase, c'est le s'il en est à chaque fin de phrase, t'es genre. Année 1969, année érotique s'il en est. Ça, c'est érotique, ça, c'est. Et la troisième phrase, c'est qui te fait répéter, mais avec un bout de ce que t'as dit. Genre, ouais, tu connais les Beatles? Les Beatles qui? Voilà, ça, c'est ça m'énerve pas, ça. Ça m'énerve. Ça. Moi, c'est le truc qui m'énerve le plus. Non, la première, c'est la plus insupportable, je pense. Il y a cinéma et cinéma. Ah oui. Ouais, la deuxième, c'est... Il y a artiste et... La deuxième, c'est la troisième. Et la troisième, c'est la deuxième. Mais s'il en est? Ouais, le s'il en est, c'est la dernière phrase insupportable apparemment sur Maxis. Ah non, moi c'est la. Le Bicky là, je m'en bats les couilles. C'est la dernière phrase. Ah ouais? Non, ça a eu. Tout le temps bon. Ok, bah dans l'ordre inverse alors. Là, on entre dans la rubrique sexo un peu. Ok. Non, attends, on fait ça plus loin. Il y a des rubriques à chaque fois. T'es pas au courant? On fait ça par là. Santé! Enfin, la rubrique sexo, c'est plus ton rapport avec ton corps. D'ailleurs, quel rapport entretenez-vous avec votre corps? C'est pas distant. Assez, ça. Rapport distant. Moi, rapport distant. Rapport extérieur, ouais, c'est un ok. Utilitaire. Donc, okay. Performatif. Vous êtes plutôt gel douche et shampoing ou gel douche qui fait les deux? Gel douche et shampoing. Gel douche qui fait les deux. Là, je me plie aux règles de la maison. Mais moi, pourquoi? Ta gueule, c'est pas vrai. Pourquoi t'as Vous êtes. T'es plutôt gel douche avec le shampoing ou gel douche qui fait gel douche et shampoing, corps et cheveux? Deuxième. Qui fait les deux? Ouais, celui qui. Je sais ça. Pourquoi ça te dégoûte toi de faire les deux? Ça me dégoûte pas, mais il y a des produits appropriés à leurs usages. Ouais, mais là c'est un produit approprié aux deux usages. Mais non, c'est non, mais non, si c'est approprié aux deux usages, ça veut dire que c'est un petit peu moins efficace en chacun. Mais non, par exemple, quand tu prends du dash deux en un pour la machine, oui. Bah tu vois, bah, tu pourrais te dire très bien, ça, bah, c'est un mauvais exemple parce que on s'en bat les couilles de ça. Déjà, quand tu prends des trucs à deux en un. Plus c'est spécifique, plus c'est adapté. Il y a un moment. Non mais tu sais que ça c'est la loi, comment s'appelle cette loi en économie? Mais c'est un gros putain. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une efficacité dans le lavage genre... Ah bah oui, en général quand je me lave... Non mais est-ce que tu vas vraiment chercher le truc propre, ouais. Genre libéral, c'est pas vraiment de quoi ça. Non je... Mec qui a assez écouté... En plus tu sais pourquoi c'est faux? Mec t'as eu des lunettes qui faisaient lunettes soleil à clapper comme ça là. Bah c'était deux en un. Ouais c'est clairement. C'était moins performant mais j'ai eu ça, c'était dur. C'est vrai, j'ai eu ça. Non mais attends, non, tu regarde, t'as un ordinateur qui fait tablette aussi, tu vois, t'as plein de trucs. Il fait pas de tablette. Quand tu retournes, il est juste tactile. Ouais bah c'est moi aussi tactile. Qu'est-ce que tu me vois? Enfin tu vois ça m'énerve. Ok ça. Bon ok c'est ok bon, t'as un téléphone à appareil photo. Next question. T'as un téléphone à appareil photo. Ah oui bah il prend des moins belles photos qu'un vrai appareil photo. D'accord mais t'as pas d'appareil photo quand même. Oui d'accord mais en l'occurrence j'accorde moins d'importance à mes photos qu'à mon hygiène corporelle. Allez next alors, question. Comment est-ce que tu comparais saucisse, chipot, merguez, on doit choisir mais on doit répondre à 3. Mais si on est végétarien. Tu dis Joker. 1, 2, 3, merguez. Vous avez tous les 10 3 merguez? Tous les 2, 3. Tous les 10 3. Tous les 3 merguez? Ouais. Okay. Clairement. Il y a le goût ou il n'y a pas le goût? Ah ouais. Mec, toi t'es quoi? T'es plutôt chipot, je suis sûr. T'as pas le merguez, c'est épicé? Non, moi j'étais plus saucisse. Genre saucisse de Strasbourg un peu. Bah ça, après, ça dépend quelle saucisse. Ouais, c'est ça, si c'est... on prend saucisse de Morteau, saucisse. Mais après, est-ce que saucisse, c'est pas une surcatégorie de la merguez et de la chicot? Ouais, voilà, je t'ai dit que j'ai pas. Et là, j'ai pas tapé une erreur de catégorie. Ça dépend, la catégorisation téléologique que t'as. Non, mais on prend saucisse de barbecue. Si on prend saucisse de barbecue, sans compter les saucisses de Morteau, les. D'accord, mais ça dépend le barbecue aussi, finalement. Il y a un barbecue au bois ou un barbecue à gaz ou un charbon. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a barbecue. Et barbecue. Est-ce que vous êtes déjà entraîné à embrasser? Donc, j'ai noté trois techniques. J'ai fait une petite typologie. Miroir, poster et cuillère. Alors, mec, je comprends pas pourquoi cuillère. Ah non, moi je me suis entraîné à embrasser. Je t'ai toujours dit. Tu m'as dit, mais cuillère, je sais pas. Mais j'ai pas compris. Hein, je suis entraîné à embrasser avec ma meilleure amie. Ok. Remplace cuillère pour meilleure amie. Meilleure amie. C'est quoi les techniques? Bah moi j'ai juste poster, embrasser quelqu'un sur un poster, tu vois, genre en mode... Genre Véronique Sanson par exemple, au pif. Ouais, Véronique Sanson sur un poster. Oui, j'ai fait ça. Non, je vois. Miroir. Je l'ai fait. Miroir ou cuillère. Ouais, le problème, moi j'ai une petite explication là-dessus, le problème, après je vous laisse répondre, parce que genre, c'est à vous qu'on pose des questions. Mais le problème du miroir, par rapport au poster, c'est que le miroir, tu t'embrasses toi. Alors que le poster, c'est vraiment très pertinent. Après, le poster, le problème, c'est que tu le truc, c'est l'approche corporelle, parce que finalement, on imagine quelqu'un d'autre. Tu mets, quand t'as pas dit, tu mets le coup dedans. Genre, tu peux déposer un baiser délicat sur le Véronique Sanson. Non. Non, et puis au moins, tu ne souilles pas quelqu'un. Aucun des trois. Juste meilleur ami, quoi. Toujours un principe utilitaire. Alors que miroir, tu ne souilles pas une autre personne morale, parce que c'est toi. Et du coup, toi, tu réponds à quoi? Moi, miroir, je l'ai déjà fait. Miroir, mec, miroir, tu t'embrasses tout, je trouve. Bah ouais, mais t'imagines quelqu'un d'autre, mais le système qui est impressionnant, c'est l'approche corporelle, tu vois. Après, tu sais que ça va merder, de toute façon. Donc toi, poster? Moi? Ouais. Cuillère. Mais en fait, moi, j'ai un plus dit cuillère, en fait, je suis sûr. Cuillère, ok, cuillère. Ouais. Mais cuillère, c'est bizarre, mais genre, je te promets que c'est... Je te promets que c'est ultra référencé, hein. Ah non, mais cuillère, tu l'avais dans la bouche. Ah, je vais t'embrasser une cuillère. Quoi? Mais aussi, je. Après, c'est une question d'un cuillère, enfin, c'est avec les objets, tu vois. Genre, tu... Ah, c'est vrai pour ça que je trouvais ça bizarre. Et après, tu fais quoi? Tu. Ouais, je sais pas comment. C'est quoi? Enfin, bref, il y a des œufs, t'as rien. Non, genre, tu te défonces la bouche. Non, je dis pas, c'est plus genre. Est-ce que vous trichez au jeu de société? Oui. Non, parce que je sais pas tricher en fait. Si je savais, je tricherais. Mais moi, je te pensais que t'allais pas tricher. Alors, j'avais des petits pronos. Parce que, ouais, je faisais des petits pronos sur les questions, mais je viens de me rappeler que j'avais fait des pronos. Et du coup, j'étais persuadé que toi, t'allais pas tricher parce que c'est droit et t'inventes un jeu. Pourquoi tricher? Genre, qui ressemble à la vie, tu vois. Toi, t'allais tricher, mais tu triches en faisant une hiérarchie. Genre, en mode une hiérarchie sociale. Tu vois, tu utilises. Tu vas tricher et tu vas entraîner quelqu'un dans ta triche. Là, exemple, en vrai, je triche parce que je trouve ça rigolo. Enfin, tu sais, des fois, genre. Quand ça m'a un peu les couilles, je triche, mais jamais tout seul. Il va entraîner quelqu'un dans sa triche et il va dire « Ah bah t'as eu une dette avec moi mec !» Et il va entraîner une hiérarchie sociale. Tu sais pourquoi il y a comme ça? Oui, parce que j'ai la mort de perdre avec toi, enculé, espèce de... Je déteste perdre en Monopoly. Il est venu au Monopoly, il est venu à son action, on a joué au Monopoly, c'est la banque. Et genre, je lui filais plein de billets sur la table, donc je prenais plein de billets, j'en filais plein sur la table, mais il pouvait plus me balancer du coup, parce qu'il était aussi, tu vois, genre. Et après, il se proposait, il dit, ah bah j'achète ça vraiment à 10€, tu vois. Vraiment. Et là, il me faisait, non, je faisais. Bah si mec, j'ai le vin et du coup bah, il avait pas le choix, tu vois. Et du coup bah j'ai gagné. Et je pense que tu triches mais vraiment volontiers. Non. Dis-toi, c'est le mec le plus moral dans ce moment. Non mais en vrai je triche pas trop. Même quand je suis la banque, je suis une très bonne banque, je tiens à préciser. Ah bah moi je pense que... Non par contre je triche pas mais je fais des trucs de connard dans les règles. Tu vois, genre, tu mets une personne dans le déni et dans le dénuement, et genre, tu lui donnes, tu lui fais des petits services, mais tu vois, en faisant sentir que. Il a fait ça cet été avec mon père au président. Je donne des bonnes cartes, tu sais, en mode. Père, du cul, il philanthropie, tout ça et tout. Mais genre, comme ça, les gens, ils ont encore plus la mort, genre. Vous êtes plutôt Paint ou Google SketchUp? Moi, c'était. SketchUp, en vrai, c'est en 3D. SketchUp 3D. SketchUp 3D. Alors que Paint, genre c'est. Enfin. Il y a Paint et Paint. Moi j'avais peur de faire un bide parce que genre je pensais qu'on était. Il y avait que notre classe qui utilisait Google SketchUp. Oui, si, on a tous fait Google. C'était au programme, hein. C'était au programme. En techno. Ouais, on a fait quoi? C'était au programme. On a fait quoi? On a fait quoi? Domotique, hein. Et Suite 3D. Moi aussi j'ai fait domotique. Non mais c'était vraiment cool. Comment ça s'appelle quoi? Sur l'échelle de From Human to God, vous vous situez où? Mégode. C'est toi, Mégode. Bah. Ah, j'ai compris. T'as pas compris la question. Mais et pour l'instant, si tu. Genre de 1 à 10 Non, de. Non, de Human to God. Human to God. Ah. Ou imaginons Human c'est 0 et God 10, tu vois. Non, y'a pas de chiffre, c'est From Human to God. Eh ben, tout. Entre Human et God. T'es quoi, t'es dans l'escalator qui monte, c'est ça. Et toi? Jésus-Christ, hein. Non, je dirais. Tu sais quoi? Toi, c'est l'acrobate. C'est quoi? Je dirais Human, mais qui aspire à l'universel. Alors attends, il faut qu'il vienne. El Rabate! Ça va, mec? Pose tes affaires et qu'on comprenne le truc avec toi. Si, t'inquiète, on arrive. Ouais. Donc avec Samuel. Sur l'échelle From Human to God, tu te situes où? From Human to God. Tiens. Attends, c'est la vie tout. Tiens. Ah ouais, c'est intéressant. Mais ça m'a dit, j'ai dit Human qui aspire à l'universel. Mais on est sur une émission bilingue donc. mais pour, mec, ça va venir sur ce que t'as dit ton jour, quoi. Mais non, mais disons qu'il y a une explication. Que, quand t'étais enfant, tu t'imaginais bien quelque part à 19 ans. Voilà, c'est ça, genre. Premier. Enfin, quoi? J'ai encore moins compris, putain. Ouais, attendez, on parle de Human to God ou de projet. Là, il a lâché, il était en boîte, je crois qu'il te demande juste ton âge, je crois. Je crois que c'est ça la question. Non, mais est-ce que tu t'imaginais à 20 ans être. On m'avait pas mis ça. Mais je sais pas, est-ce que sur un échelle de pourcentage du From Human to God, on commence pas à faire chier, réponds, tu seras pour toi et tu me casses pas les couilles. Qu'on est sur un. Genre, dans les tests au lycée, quand on lui demandait ce qu'il voulait faire. Ah, mais gros, est-ce que tu considères que de la manière dont tu te voyais à l'époque, est-ce que maintenant, à l'âge que t'as, tu t'es accompli par rapport à ce que tu projetais? Rien à voir. Bah, explique la question. Ah oh mec, j'ai préparé ça en 20 minutes, en vrai j'ai pas réfléchi, genre. Oh, j'ai lâché tellement de minutes de. From grunge to brainstorm. Tu te sens avant-gardiste ou quoi? Attends. On refait tout. Je me sens non très peu. Mec, t'es quoi? C'était précurseur, mec. En matière de plein de choses, genre. Ah ouais? En matière, je sais pas, genre de couleurs dans les fringues, de. D'ailleurs. Non, si, ça m'en rit là, regardiste. Un rabat. Mec, j'ai pas dit Samuel, ça va. D'accord. Si Rabat, il a regardiste, mec. Est-ce que tu utilises une cuillère pour t'entraîner à embrasser? C'est juste un petit remake pour. Pour? T'entraîner à t'embrasser. T'as mis les options quand même, ouais, parce que. Genre, j'ai fait une petite typologie des gens qui s'entraînent à embrasser. Dans les techniques. Il est pas mal. Je te fais cuillère. Mais c'est vrai. Qui utilise des cuillères? Bah, on sait pas. Ça, bon, on sait pas. Ouais, mais j'ai cherché. Il y avait poster, miroir, cuillère, meilleur ami. La typologie. Ah non, c'est ça. Ça, c'est max. Mais pour t'entraîner à embrasser. Cosmos. T'as déjà utilisé une de ces techniques? Non. Moi, j'embrasse pas. Ok, ça marche. Ah, c'est plus simple, ça arrive au problème. Et est-ce que tu triches au jeu? Ouais. Mais au jeu. Des fois, je triche, mais à contre-coeur. Non, c'est juste, tu respectes pas les règles, tu fais voilà. Des fois, je ne connais pas les règles. Enfin, si tu veux connaître, je te sers bien, parce que. Non. Allez, prochaine question. Non, j'attends. Il faut répondre à From Human to God sur un pourcentage. Mais c'est quoi la question, mec? Putain. Mais From Human to God, vous sentez où, genre? C'est 30. Mais c'est pourquoi tu m'as dit à 19 ans, tu te voyais où? J'ai pas compris. Genre, vraiment, quand t'étais petit. Zéro. Tu t'imaginais où à 20 ans? Zéro. Terre à terre ou viser la lune plutôt? Viser la lune, ça me fait pas peur. Même ma lune, je crois encore et encore. Des sacrifices, si le faut j'en ferais. J'en ai déjà fait, toujours le poing levé. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Non, je dirais 0%. J'ai choisi 0%, mais t'es ultra modeste sur toi. Mais ben, en même temps, God. Genre l'accomplissement de toi-même. T'es un humain en puissance, finalement. Ah, tu ne restes que ça, un essentiel. Je me sens plutôt accompli, donc je dirais. 60%. Tu me vois comme un présent, je me vois comme un devenir, c'est tout. Toi, t'es un actuel. C'est les projections que tu as mises sur toi, est-ce que tu les as accomplies? Je comprends pas. Bon, allez, vous avez, okay, vous avez une phobie particulière? Ok, 50%. Est-ce que vous avez une phobie particulière? Les serpents. Ouais, moi aussi, mec. Pourquoi les serpents? C'est pas particulier. Pourquoi pas? Enfin, particulière, non, ou juste une phobie. Non, non, toi, c'est très peu de séparation. Ça me rend ouf. Si Max, il a une phobie, Max, il a vraiment une phobie. Il déteste quand il y a du verre par terre. Il supporte pas de voir quelqu'un marcher à côté. C'est vrai qu'il a très très peur. C'est très très peur. Il a brisé son toit. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai peur de ton. Vas-y, et toi? Ah ouais, c'est bizarre. Je l'ai déjà dit ou pas? C'est un bruit super particulier, genre c'est le bruit, il y a plusieurs trucs qui font ce bruit, notamment les règles, tu sais, qui changeaient quand tu les inclinais. C'est le dessin, il changeait, avec des petites rainures. Ah oui, tu les inclinais, ça faisait, genre c'était les effets d'optique, là. Moi je vois très bien ce que c'est. Tu vois? Ouais, et du coup, l'ongle là-dessus, ça fait un petit bruit. Ah c'est ok, si, si, je vois très bien. Et ce truc, c'est le... Même d'y penser, des fois, ça me donne des... C'est un malade. Et il y a d'autres bruits, d'autres trucs qui font ce bruit. Si, moi j'ai... Oui, mais les dents de la clé, là. Non, pas ça, ça je m'en fous. Ah, c'est pas pour ça. Mais il y a genre des types de fils quand tu les enlèves et que ça racle, ça fait ça. Moi j'ai une phobie. C'est pas mes proches. Enfin, déjà, c'est les portes d'ascenseur et de métro. Ah oui, je suis sûr. Toi t'as une phobie particulière. Moi c'est les lames de couteau. Moi c'est les fusils à pompe, je n'aime pas ça, ça me donne mal à la tête. La pompe nucléaire. C'est vrai, genre les couteaux très coupants. Oui. Mais tu le sors, moi je t'as peur? Moi j'adore les couteaux. Ça me met très mal à l'aise. On est content, ils sont bien avec lui, Tim. J'adore les katanas. Ok, et toi Lucas? Toi t'as une phobie, je sais ce que c'est ta phobie. C'est quoi? C'est les clowns. Ouais, moi c'est les clowns. Voilà. Mais en vrai, les serpents, j'aime pas trop non plus. Tu as l'habitude à faire un rêve. Après, c'est clair. Mais en vrai, parce que je lisais grave d'histoires d'horreur et de films d'horreur, et du coup, bah ça me perturbe, même mentalement. T'as fait un rêve que t'es petit sur un clown qui continue tout ouais, ça. Ouais, ouais, nickel. Je sais pas, je peux me permettre de te livrer. Ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, moi, les clowns, ça me... Ah si, t'as une autre phobie. C'est qu'on le touche, le coup, ouais, touche le coup. Non, mais rien, j'aime pas. Ouais, vraiment, il y a rien, c'est bon. Ouais, j'aime pas. Voilà, il se rate. Il en va comme ça. Ouais, j'aime pas, mais... Ah mais attends, la tortue, vous savez que j'utilise la limite de la tortue, ou quoi? Vas-y, j'ai très peu radiophonique. C'est très peu radiophonique. Non, c'est peu radiophonique. Je vais lancer un concept de radiophonique après. La télé, tu veux dire? Attends. J'ai une nouvelle phobie, du coup. Attends, on est sur une autre rubrique. On est sur la rubrique, la troisième rubrique. La rubrique vie. Attention, attention. Allez, jingle. Santé. Quel est ton super pouvoir? Enfin, quel est votre super pouvoir intime? Il est sympathique comme tout. Non, mais genre un truc du quotidien, mais qui vous rend fier parce que toi, tu fais particulièrement bien. Ah, je suis bien bouffé. Voilà, mais... Il était super bon, poulet au curry, non? La purée, elle est bonne, la purée. Hein. Non, ouais. C'est un vrai cordon bleu. Hein. C'est quoi toi ton super pouvoir intime? Mon super. Mais en fait, si, c'est toi, intime. Toi, si, j'ai ça. Bah, intime, genre un truc du quotidien que tu fais bien, tu vois, genre. Ça va. Moi, je masse bien. Il masse toi. Ah, voilà, ah oui, c'est ça. Non, c'est pas aussi très bon massage. Peut-être, je t'ai jamais massé. Elle est professeur, pardon. Elle passe si bien qu'elle pas fait ça. Elle est quelque chose, tu vois. Elle est présidente. Ouais. Et toi, ton petit toi. C'est pas le super intime, mais. Enfin, c'est plus public. Enfin, dis-toi, je chante très bien. Ah la pute! D'ailleurs, on fera une petite. Non, je vais interpréter Somewhere non, sinon, c'est. Il y a un truc que tu maîtrises quand même. Le dessin en arrière. Ah oui, alors ça me fait ça. Mais sinon, c'est le. Alors! Et toi alors? Comment il va? Ça fait pas besoin de descente. Je maîtrise le... Non, mais tu maîtrises la remontée. On la remontée un peu. Juste son pouvoir intime, c'est qu'il est doté d'une très belle courge. titulaire d'une belle courge. J'ai côté de lui, à plus la côté. Moi, j'ai pas de pouvoir intime. Ah ouais? T'es trop modeste. Voilà, c'est peut-être mon pouvoir intime. C'est quoi votre morning routine du samedi matin? Samedi, brunch. Oh, t'a fait la meilleure morning routine du monde. Moi, c'est attendre que tu viennes me réveiller avec un café au lit. Ouais, non, mais genre du samedi matin normal. Là, genre vraiment, ils auraient voulu te saucer parce que tu payes le loyer. Ça fait un peu. Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui. Ouais, justement, c'est pour ça que je trouve ça marrant. D'accord. Morning routine. Moi, c'est que le matin, je le connais pas en fait. Le samedi. Ah, le samedi. Et ben. Il y a un samedi dans la chasse. Le samedi matin, petit café quoi. Ah, mec, t'as l'original. Bah ouais, bah on m'a pas demandé d'être original, on m'a demandé d'être vrai et sincère. Il est entier ça. Vous avez pas de morning routine. Moi, c'est morning sex. Ok, merci. Par contre, on peut clairement démentir. Toujours pour ta avec ta meilleure amie d'ailleurs. Ils s'entraînent. Pour une cuillère. C'est pour le truc pédagogique. C'est de la cuillère à en cuillère. C'était fait. Et vous alors, les deux loustiques? On lit la Bible. Moi je me lève, je prends quoi? Évangile selon Saint Luc. Paragraphe 40. Bon, moi je regarde les matchs de la Coupe du Monde. Non, je lis les morning routine, mais c'est pas du samedi. C'est qu'il se lève une demi-heure avant de se lever, il se fait un café, il va se remettre dans son lit, il boit un café dans son lit, et après il se lève vraiment. Morning running! Et vous avalez ce qu'il vous dit donc. Il avale tout ce que je dis. Il avale tout ce que je dis, mais c'est bien vrai. Tu sais pourquoi c'est vrai? Non, il fait ça. Parce que souvent je fais du café collectif à la cafetière qui coule, et du coup il y a une preuve qu'il y a bien le café qui a été fait. Bon, des fois j'ai la flemme de le faire. Non, mais quand il sort de sa chambre à l'heure où on avait dit qu'on devait se lever avec un café dans la main, donc il s'est levé à l'heure pour le faire. Sauf s'il y a bien le café pendant la nuit. Est-ce que vous vous sentez solidaire dans la villa là? La villa avec un peu. C'est qu'on passe aux conférences là, c'est ça? Bien sûr, on est hyper fidèles. Hier soir, j'étais trop content de rentrer ici. Attends, regarde-moi bien. Solidaire. Le solidaire. Bien sûr qu'on est très solidaire. Bah, par exemple, on a un compte commun en banque. On partage le même wifi. Et ça, c'est par exemple, il y a un tricard qui a 3 semaines qui n'a pas été réglé encore, par exemple. Ça, c'est de la solidarité. Et je vis Titouan, par exemple. Bon, mais j'attends que ça me dise combien c'est. Mais c'est 10? On avait gagné, ah, okay. C'était 5 le bidra. Bon, oh, monsieur le fonctionnaire, tu vas pas râler, non? Alors attends, viens, on sort la troisième bouteille. Oui, c'est la première que j'ai pas vue. Oui. Oui, bah je vais voir la troisième alors. Santé! Alors, rubrique vie. Quel est votre super pouvoir intime? C'est pas moi. Non. Si vous deviez inventer une théorie sur le fonctionnement du monde. La théorie du ruissellement, c'est sûr. La lutte des classes. Non, ça va. Ça va, c'est un classique, c'est nul. L'égalité dans le monde, enfin l'humanisme, c'est nul, mec. C'est trop mal. Okay. C'est toi, t'es nul. La théorie de l'effondrement. Collapsologie. Collapse theory. Ah, ok. Ah, ouais. Mais là, je comprends maintenant. Et j'y crois très peu. Explique un peu, vite. Moi, je pense que j'ai. Pour ceux qui ne savent pas. Pour moi. La théorie des jeux, du BDH, tout ça. Non mais Maxence, on peut se mettre d'accord que la théorie de l'effondrement, c'est une théorie selon laquelle on est tous foutus, donc on peut plus rien faire. Comme son nom pouvait laisser. Non, c'est une théorie selon laquelle. Un café de BF. Une théorie selon laquelle. Les civilisations croient qu'elles sont immortelles, or elles ne le sont pas. Et c'est intéressant de croiser les différentes sciences pour arriver à faire des modèles prédictifs qui essayent de voir comment ça se passe. Si la civilisation venait à s'effondrer. Si vous deviez inventer une théorie sur le fonctionnement du monde, ce serait la théorie darwinienne. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle a déjà été inventée. En même temps. C'est pratique, ça t'arrive un peu de boulot. Jules, ouais. La théorie, une théorie. C'est-à-dire une théorie. Mais il a dit théorie de ruissellement. Ah oui, pardon, ruissellement. Toi? Non, s'il fallait inventer une théorie. Ah non, mais attends, non, mais c'est inventer une théorie qui existait déjà ou pas? Genre, est-ce que. Non, en vrai, qui. Alors, on va faire deux questions. Ah voilà, ok. Voilà. Oh. Alors, faites gaffe parce que c'est la question. C'est la question antépénultième. Oui. T'as fait des langues anciennes? Anté quoi? T'as fait des langues anciennes? Ouais. Il y a quand même langue ancienne que je dis ça. Antépénultième. La pénultième, c'est l'avant-dernière, et l'antépénultième, c'est. Mais alors, c'est vraiment pas l'antépénultième en plus. La dernière, ça dit quoi? La finale. La finale? Ou l'ultime. L'ultime bafouille. C'est entre l'ultime. Alors, si tu devais inventer une théorie sur le fonctionnement du monde qui existe. Ouais. Question 1. Question 2, petit b. Si tu devais... Si tu devais inventer une théorie qui existe par... Si c'est de toi qui l'a pas. Sur le fonctionnement du monde. Une théorie qui existe, la théorie darwinienne. Ouais. Une théorie qui n'existe pas. Tu crées la théorie darwinienne, toi? Bah oui. Et pourquoi? Bah parce que je trouve que c'est la théorie qui décrit le mieux le fonctionnement du monde. Ouais, ça se défend en fait, c'est bien comme idée. Voilà. Ouais. Deuxième chose, si je devais inventer une théorie qui n'existe pas. Vas-y, là t'as la théorie générale. Globalement 15 secondes pour inventer une théorie. Ce serait qu'il y a deux types de personnes. Il y a les cons et les gens de gauche. On boit mes règles. Il l'a sorti. Il l'a fait. Mais t'avais dit non. Pardon. Voilà. Si, ouais. Et du coup, un jour interviendra Armageddon qui tuera tous les cons. Et du coup, il restera que des gens de gauche. Ok, ça me va. Titouan. Armageddon, c'est Marx en fait. Voilà, c'est Marx Armageddon. Titouan. Pugadai. Une théorie qui existe, bon, Newton, apparemment. Non, en fait, non. Ah non. Trois has-been, mainstream. Newton, mainstream. Newton, mainstream. C'est trop mécaniste. Ouais. Je suis d'accord, en vrai. C'est de la mécalogie un peu appliquée finalement. C'est purement mécalo là, la mécalo j'aime pas ça. Pour ça. Ça vas-y. Du jeu, tu... Moi ah, celle qui existe c'est celle du Russell. Enfin, non mais mec t'es sérieux grosse pute. J'ai dit. Ah merde. Ils volent des théories comme ça. Mais il était pas là c'est pour ça. Si, il était con quoi. C'est fait exister il y a deux minutes. Il sait qu'il veut le défendre à tout prix. Il savait pas mec, il comprend pas le français. Merci mec. Ouais, tu peux inventer un truc genre. J'ai pas de théorie qui me vient comme ça. Bah après il y a la théorie de Galilée, tu vois. Enfin, c'est quand même une théorie facile, genre. Tu sais le mec il explique la théorie. Il y a la théorie du feu, j'aimerais bien. Avoir inventé le feu par exemple. Genre voir que la Terre tourne au-dessus du soleil, c'est grand. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'on a le temps. Et quelle théorie d'ailleurs. Ah putain, sacré hein. Non, moi je pense que la théorie de la sélection naturelle, j'y arrive. Ah, si j'en ai une. Il veut dire Darwin. Je veux dire Darwin. Non. La théorie du genre. Oh putain. Voilà. Oula. Et nous parlons ici en présence de 5 hommes blancs. Si j'ai un hétérosexuel. Alors en vrai, c'était audio, donc en vrai, on pouvait faire croire que forcément, il y avait peut-être quelqu'un qui a repassé un peu. Moi, je suis. Ah oui, pardon. Bah non, mais toi, t'es mère libanaise, non? Bah oui. Non. Il va nous dire qu'il est pas blanc. Bah le mari de ma marraine il est libanais. Ah oui, il était pas italien. Du coup il est pas de ma famille. Mais... T'es pas italien, t'es pas italien à 12,5% aussi. Si. Ah si, donc t'es pas blanc. Je suis méditerranéen. Si vous deviez sponsoriser. Donc bon, ma théorie, tu t'en carres le champ finalement. Ah, ta théorie, pas... Jules. J'ai pas envie de répondre, c'est pas grave, pas ça. Sinon. Si, le ruissellement est. La théorie sur laquelle les moches devraient disparaître. Allez, on passe à la suivante. Non, vas-y, t'inquiète. Non, je sais pas. Oh, ok. Si, moi j'ai une théorie selon laquelle on devrait être beaucoup plus tolérant sur les préférences alimentaires. C'est pas une théorie, ça s'appelle juste la tolérance, ça existe. Tolérance que vous ne semblez ne pas avoir. C'est un mot que tu parles? Oui. C'est un mot que tu parles? Bien sûr. Et qu'est-ce que je tolère pas moi? Il est 1h19 et la villa se brise. Qu'est-ce que je tolère pas moi? Il est 1h20. Qu'est-ce que je tolère pas moi? T'as plein de comptes dans la villa. Par exemple, le fait que je n'aime pas certaines choses ne sont pas tolérées ici. T'aimes pas quoi? Non mais... Il est con, quoi. Mais mec. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas... Par exemple, un cas, je ne sais pas. Tu vois, t'es en France. T'es français. Il est allergique. Il est allergique. Moi, je vais aussi. Lui, il est allergique. Oh, mon pauvre. Mais j'ai déjà mangé du fromton. Vas-y, continue ton explication. Mais j'ai déjà mangé du fromton. Et j'aime ça. Ah. Parce que tu conçois qu'on ne puisse pas... Enfin, c'est inconcevable qu'on ne puisse pas aimer ça. Mais mec, que tu dises que si, tu en vrai c'est dérangeant. Quoi, t'aimes pas le fromage? C'est le cul. Ouais, je comprends. Merci Maxence. Voilà, ce serait ça, si vous deviez sponsoriser votre vie, ce serait 1. Quelle marque? Et 2. Pourquoi? Celui facile. Ouais, facile. Quel choix? Pourquoi? Bah. Ah, pour la forme? Genre. Ah non, c'est des 4 ans ça. C'est des 4 ans, ça marche. Je tiens que 3 secondes. Non, mais enfin. Tous les trucs que j'utilise le plus dans ma vie, c'est les trucs de quelque chose. Donc, ça serait cool. En plus, j'ai des photos qu'on veut vendre à quelque chose. Genre, on a des photos super stylées de notre tente éclairée dans la nuit au milieu des montagnes et tout. Et genre, faut qu'on leur envoie pour. C'est énorme ça. Sur notre truc. Des vraies photos qui pourraient être utilisées comme pub et que. Où tu vois en plus le truc quelque chose et tout. Et tu les vends combien du coup? Je sais pas, faut qu'on voit. Mais c'est en projet, on l'a jamais fait encore. Mais c'est une exclu, Massachusetts TV. Vas-y Maxence. Moi ce serait Calvin, Calvin Klein. Parce que je suis riche. Pour tenir mes grosses bourses. Parce que je suis un bon gars. Pourquoi? Non, en vrai je serais sponsorisé par la sécurité sociale. Mais mec, il est parce que je suis communiste. Il est pas français. Donc toi, t'as ton sponsor de vie? Moi je suis un mec sans sponsor, on peut pas m'acheter. Ok, toi je suis... Oui, moi ce serait McDo juste pour essayer d'avoir des Big Mac. Enfin, tu sais, quand t'es sponsorisé, on t'envoie des produits. Des Big Mac. Ouais, mais en gros, est-ce que tu cours vite? Pas spécialement. Pourquoi? Je ne l'ai pas. Je sais pas, genre en mode non, non. Vas-y. Ouais, oui, ouais, non, oui, je cours vite, ouais. Tu cours vite, pourquoi? Moi j'étais dans le pare-brise. J'étais dans le pare-brise. J'ai pas compris. Rapport à la blague de Bigard. Comment tu, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Que ça me débat, je comprends. Mais non, non, mais. Santé! Trop fort! Quel est votre élément indispensable dans un, pour un pique-nique réussi? La nappe à carreaux. Les tomates cerises. J'ai jamais eu ça, mais. De la feta. Le pastis et la grenadine. La caguette. Mais non, non, c'est du gomeza, putain. Non, pardon. Désolé, moi, c'est de la bière. Pastis grenadine, pastis grenadine, c'est une tomate. Ouais, mais c'est pas propre au pique-nique la bière. Non, c'est la chips. Oui, ouais, la chips. Non, la chips. Ah, non, c'est les chips. Le saucisson. Chips, tu peux pas faire. Des fois, tu peux avoir des pique-niques sans saucisson, tu peux pas avoir de pique-niques. Bah, moi, je pense qu'il faut avoir un pique-nique. Ce que j'adore faire dans un pique-nique, c'est bah, dans un poulet rôti. Dans ce raisonnement-là, je pense qu'on peut pas avoir de pique-nique sans tomate cerise. C'est vrai que c'est faux. Pas faux. Tomate cerise. C'est faux. Tomate cerise. Mais chips. Je mets chips au-dessus. Et sans pain. Mais froid, j'aime bien. Ah, bah oui. Sans. Moi, je pense que la nourriture. C'est l'élément essentiel au pique-nique. T'as dit quoi toi? J'avais dit pas. Il y a un consensus commun qui s'est créé sur le poulet rôti froid. Je peux dire un truc? L'ingrédient essentiel, c'est avant tout d'avoir des bons potes pour faire un bon pique-nique. Samuel la disquette. Il a disquette. La première info que vous donneriez à un mec qui se réveille d'une congélation d'une centaine d'années. Donc, né en. Il s'est arrêté en. De centaines d'années au pluriel, donc le premier truc qui vient. 1620. La première info à savoir. Mec, Kim Khan s'est fait cambrioler. Je dirais, si t'as pas compris ce qui s'est passé, va lire Boris Vian. Wow. C'est chaud. Permet de... Moi, je dirais, on est au 21ème siècle, mal. Pas mal, j'avoue. Genre, faux. Ah, et tu vois, elle t'a une mentalité arriérée, frère. Voilà ce que je dirais. Et du coup, il disait quoi sur la tolérance il y a pas si longtemps, finalement? Bah, c'est pas très tolérant. Le mec, il a été congelé pendant 100 ans, et toi, le seul truc que tu veux lui dire, c'est mec, t'as raté 100 ans. Sam, il a pas besoin de boire pour voir si c'est une super. Non, c'est une question très intéressante, non, mais j'ai oublié la question. La première info que tu donnerais à quelqu'un qui se réveille d'une congélation de centaines d'années. Ah si, si, si, je sais ce qu'on lui dirait. Moi, je sais. Vas-y. Si. Bah, on met deux étoiles sur le maillot. Putain, j'allais le dire, mais... Mais là, il te sort quoi? Il est trop bon. Quel maillot? Et c'est quoi l'étoile? Maillot. Il s'est pas endormi en 98, le mec. Non, mais le football... On parle de centaines d'années. Rien n'empêche la discussion après, tu vois, l'explication. C'est une très bonne idée. Ou alors on lui dit Chirac est mort. Ah oui, ouais. Chirac est mort. Tu veux Émile Loubet est mort. Chirac. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Non, tu lui dis un truc, genre Gaston Doumer, il est chaud. Hein, ouais. Félix Faure, voilà, il a voulu dire César, il est mort pompé. Hein. Et Bernie a failli. Tu la connaissais? C'est Clémenceau qui a sorti ça sur Félix Faure parce qu'il est mort. Voilà. Avec une. Voilà. Ouais, oui. Tu l'as, tu. Je l'ai. Ça passera pas à la radio, ça. Aujourd'hui, le monde n'est plus très catholique, en tout cas. C'est ça que je dirais. Moi. La colère de Dieu va s'apparaître sur terre. 200 ans. Quelle est la viennoiserie qui vous ressemble le plus? Pour ça, je dirais un boudoir. La chocolatine. J'ai pas dit que t'allais dire ça. Le coup du boudoir. Ou pour jeu, je dirais un boudoir aussi. Mais pourquoi? Bah non. Mais toi, on sait déjà que c'est un pain en raisin. Allez, au suivant. Mais, Je suis pas un Suisse. Ah, pas un Suisse. C'est tout ce truc que personne n'aime. Mais qui... Bah ouais, justement, genre non, non, c'est le. C'est la viennoiserie que. C'est la viennoiserie. C'est la viennoiserie. C'est la viennoiserie que tu prends quand tu te trompes. Oui, exactement. T'es dégoûté de te tromper et d'avoir pris ça. Le progrès, c'est trop. Mais au final, après, oui, t'as... Mais après, au final, t'as dit, bah, c'est pas plus mal, un mal pour un bien, c'est une bonne surprise. Vous êtes des grosses puces. Vous êtes des grosses puces. C'est relatif. Mais bonne surprise, bonne surprise. Bonne surprise. Mais ça partait de loin, quand même. C'était pas... C'est pas gagné-gagné, quoi. Vas-y Maxence. Le pain suisse. Vas-y, parce qu'il explique. C'est encore une fois parce qu'il est riche. Non, mais non, parce que c'est un pain au chocolat mais avec de la crème. Ah, c'est merde. Un pain au chocolat avec de la crème. Non, ou alors je dirais. Tito, je sais. Religieuse au chocolat. Tito, religieuse au café. Tito, je sais ce que ce serait, Tito. Ce serait quoi? Une chouquette. Parce que c'est vide à l'intérieur. Ah, là, un partout, mec. Vas-y, Titouan. Mais moi, justement, je sais pas. Putain, t'es vraiment une pute. Bip. C'est la courbe qui te ressemble le plus. Parce que c'est bien fourré, tu vois. Non. Bah non. Classique, le pain au chocolat, c'est ouais, indémodable, éternel. Mais quand même, à la longue, ça devient chiant, tu vois. Genre, ça devient répétitif. Samuel. Et la sodomie n'est pas une vie. Dans une... Allez, bref. Je comprends. J'étais pas sûr d'avoir entendu. Ouais, je couperai ça. Ouais, ouais. Oui, s'il te plaît. Vas-y. L'antépénultième question, Harry. Mais c'est vrai, t'as dit ça avec cette question. Ouais, parce qu'en vrai, genre vraiment, ça fait la moitié de ma feuille. Il y a écrit 20 bis, 20 bis bis, 20 bis bis bis. Et là, on arrive à 20 bis bis bis. Bis. Parce que ma question, mon concept est de faire 20 questions. Et donc là, 20 bis bis bis. La première chose que vous auriez dû savoir sur la vie en naissant. Ah, c'est pas mal. Genre en mode, ouais, t'inquiète. Ouais, je pense que la vie est une pute qu'elle a. Avant de savoir parler, il faut que tu saches ça sur la vie. La vie est une pute qu'elle a avant qu'elle te quitte. Plus avant qu'elle te quitte. Bon, du coup, pour que vous réfléchissiez, j'ai. Bon, la première chose qu'il fallait savoir. La 20 bis bis bis, c'est la première chose que vous avez dû savoir sur la vie. En naissant, et la première chose que vous auriez dû ne pas savoir sur la vie en naissant, genre en tant que dur. Tu sais. La première chose qu'il fallait savoir sur la vie en naissant, c'est que la vie, bah, c'est long. Ouais. Mais on en a qu'une. Et la chose qu'il fallait ne pas savoir en naissant. Les portes ouvertes. C'est que c'est trop long. C'est que la vie, c'est beaucoup trop long. Non, c'est hyper triste. C'est que la vie, c'est très court en même temps. Vas-y. J'avoue, mec. J'avoue, bien beau. Une idée. Ah, moi, j'ai un truc. Le truc qu'il faut savoir avant, c'est qu'il faut pas chercher à tout comprendre. Ah oh, et ça, je rejoins Samuel. El Rabat. El Rabat. Et c'est quoi l'autre? Ne pas savoir en naissant, qui est la première info qu'il faut que tu saches pas en naissant. Que ton père n'est pas ton père. Que Donald Trump sera élu. Hein. Bah moi, je l'ai vu, je trouve qu'il est en train de faire pour... Qui? Que Balsan dans un mourir. Balsan dans un mourir avant d'être élu. Non, moi je sais, mec. Si, à ta mère aussi. Tu sens plus c'est la mère qui a ton père. Ouais. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Ce que j'aurais voulu savoir avant de. Enfin, avant. C'est que. C'est la mère. Ouais, c'est que la vie, ça fait mal de remonter à cheval. La vie. Et le truc que j'aurais. Tu fais vite ça, toi, un bon nom. J'aime beaucoup cette expression. Et le truc que j'aurais pas voulu savoir sur la vie, c'est qu'à un moment elle s'arrête. Pas tant que ça. Mais l'important, c'est ce qui est en milieu. Ah putain, j'avoue, mec. Ah mec. Non, mais moi, je crois que c'est important de savoir que la vie. Pour toi, oui, mais j'aurais pas voulu savoir avant que la vie elle s'arrête pour les autres qu'à un moment. Ah, pour les autres, oui. L'important, c'est ce que tu en fais. Venez, viens comme ça. Minamax, la référence du poker en ligne. Pourquoi en poker ce sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Pensez pas que c'est la mort qui donne du sens à allez, toi. Yes. Mec, j'ai un tarpin, mec. Putain, ça devient non. Non, mais pensez pas que c'est non, vraiment non. Du mais moment. Mais si tu n'ouvrais pas, à aucun moment tu te dirais que. Ça, c'est une vision que tu peux avoir quand tu dézoomes. C'est une vision que tu peux avoir quand tu dézoomes. Tu dis, j'ai fait ça parce qu'à un moment je vais mourir, mais quand tu vis, tu ne penses pas du tout à la mort. Tu dis, c'est comme personne. C'est pas. Alors, je t'explique. Bah non, t'as pas cette vision. Tu dois faire un choix crucial dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu ressens la vision. C'est un gros moto, mais c'est un gros. Attendez. Et c'est pas le moteur de l'action. Attendez. C'est à ce moment-là, quand tu t'arrêtes, que tu ressens la puissance du temps. Et c'est à ce moment-là que tu ressens l'existence de ton essence d'un être dans sa dimension ontologique, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là que je te rejoins. Dans le sens. Je sais pas du tout si c'est du bullshit ou si je ne sais pas. Non, je vois qu'il dit vraiment ça, la raison non plus sûre. Enfin, genre vraiment, totalement. J'avoue, mec. On est fini, mais on n'a pas notre finitude. Ouais. On dirait le mec qui a fait la blague sur Kamada. La blague, c'est la blague de Kamada. Oui, si. Il a un peu écrit sur ta propre histoire. Il a un peu écrit sur ta propre histoire. Ouais, bravo, mec. Quoi ta question en fait? Je sais pas. Mais si, c'était si, est-ce que tu vis plus en ayant conscience de ta mort? Oui. Ouais. Je crois. Moi, je pense. Mais c'était pas ta question. Parce qu'à court terme. Mais oui, ça, c'est une vision de long terme. Quand tu dézoomes et quand tu prends une échelle hyper large, tu te dis c'est pour ça que tu le fais. Mais sur le moment, là, quand tu agis, tu penses pas du tout à ta mort. C'est un truc là, pour l'instant, à l'âge qu'on a, on se croit éternel. On a l'impression qu'on a la vie devant nous et qu'il nous arrivera jamais rien. Et que. Fin... Alors, 20 bis bis bis bis. Bis. C'est le dernier mot. T'es pas en bis bis un peu avec nous? Viens, on coupe maintenant, frère. La vie, plutôt une mascarade ou échauffourée? Tour de table. Tour de table, Samuel. Il faut expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Il faut expliquer pourquoi. Mascarade ou échauffourée, ouais. C'est une vision assez pessimiste de la vie. Là, c'est une vision. Ah, il a pris deux mots. Il a pris deux mots. Mascarade et échauffourée, c'est deux mots qui me font rire, c'est tout. Genre, je suis plutôt. Enfin, il a pris courgette et saut de biche et il a dit on va mettre les deux ensemble. Plutôt mascarade qui tend vers l'émeute. Voilà. Tito, ouais, échauffouré. Ouais, échauffouré. Non, mascarade. Échauffouré. Mascarade. Non, bah. tu veux pas que j'aie pendre. Mascarade, échauffouré, super. C'est bien, Jules. Si vous aviez. C'est une mascarade. Non, la vie, c'est. Non, mais mec, la vie, c'est une mascarade, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens, la vie. Après avoir réfléchi autant, tu te dis. Oui, mais justement, tu fais avoir. Mais oui, non, mais ça. Échauffouré, c'est comme si. La vie, c'est pas un conflit permanent. Ou alors, c'est quand même. C'est. Tu te fais avoir. À la limite, échauffouré, non, Rix, j'aurais dit peut-être. Rix, j'aurais dit peut-être. Mais mascarade, oui, ça n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Voilà, mascarade. Et toi, Lucas? Vous deviez choisir Lucas. Bah, la vie est une grande mascarade. Ok. En même temps que de petits échauffourés. La vie est une grande. Choisissez un mot dans votre tête. Est-ce que vous l'avez? Non, attends, mais voilà. Un mot dans votre tête. Un mot dans votre tête. Et à 1, 2, 3, il faut que vous le disiez tous ensemble et c'est une fin d'émission. Ça va être la fin d'émission parce que c'est la fin d'émission. Je l'ai. Vous n'êtes pas ému? Je l'ai. C'est très étrange. Un peu? Je l'ai. Ok, donc 1, 2, 3. Javelot. Révolution. Cool. Ensemble! Politicians make a lot of things change nothing. Et on donne la force au petit jeune. You're not too bold. Ah merde. La première mission. Politicians make a lot of things change nothing. Libérez la crime. Ah ouais, alors là, vraiment. Bravo. Et on remercie Benjamin Biolay d'être venu sur le plateau ce matin.